Une riballe, par Alphonse Esquiros. Le peintre Van Dyck était alors à Gênes. Il commençait sa 36e année, et déjà la pâleur maladive de son visage annonçait le déclin d'une vie dont l'amour avait secoué les plus belles fleurs. Tout le monde a vu aux galeries du Louvre le portrait de Van Dyck, peint par lui-même. On se souvient de ses longs cheveux blonds, ordonnés autour d'un ovale un peu maigre, de ses traits fins et délicats, de ses yeux bleus, noyés d'une mélancolique ardeur, de ses moustaches déliées, relevées au coin de la bouche avec une grâce cavalière qui devait beaucoup plaire aux belles. Cette toile nous épargnera de fatiguer ici plus longtemps notre plume, si aisément vaincue par son pinceau. Van Dyck avait embrassé la vie avec passion. Sa jeunesse orageuse se passa doucement et amèrement à la fois, sous les yeux de ces belles génoises qui semblent avoir pris à la Méditerranée son calme tempétueux. Il se maria avec une Anglaise blonde, fille de Lord Ruthwen, comte de Gorée. Cette dame n'était point absolument belle, mais elle avait cette grâce subtile et pénétrante qui va souvent jusqu'à donner du charme à certains défauts du visage. Une grande fraîcheur de teint, des traits agréables, de magnifiques cheveux formaient d'ailleurs, joint au charme de l'esprit, un ensemble fort rare qui eût satisfait le plus difficile. Or, il est bon de remarquer, en passant, que les artistes sont peu exigeants sur ce point avec leurs femmes. Cela tient sans doute à ce que, épris avant tout de la beauté invisible et idéale, ils se soucient moins que les autres de la nature. On pourrait citer un grand nombre de peintres et de statuaires qui ont été amoureux de femmes tout à fait médiocres, tant la préoccupation de la beauté occulte et imaginaire qu'ils voyaient, pour ainsi dire, en eux-mêmes, les aveuglait sur les formes réelles de leur maîtresse. Van Dyck aima sa femme d'un second amour, sinon d'un troisième, qui, pour ressembler à ces automnes tièdes et printaniers qui font reverdir dans l'arrière-saison les feuilles des arbres, n'en fut toutefois ni moins tendre ni moins sincère. La lune de miel éclaira de ses rayons doux et modérés les premiers temps de leur mariage. En dépit des bons mots du dernier siècle, qui ne pouvaient manquer de faire fortune en France, où un mot pour être bon n'a besoin que d'être méchant, nous croyons qu'on peut aimer sa femme, tout comme si elle était la femme d'un autre. Le mariage fut pratiqué par plusieurs artistes qui s'en trouvèrent bien et qui finirent par aimer tout bourgeoisement leur femme, ni plus ni moins qu'une maîtresse, sans rien perdre pour cela de la poésie de leur cœur. Van Dyck et la jeune comtesse de Gorée formèrent donc, pendant un temps qui leur parut court, car le temps heureux fuit bien vite, et ce n'est point en vain que les anciens avaient donné des ailes à l'amour, un couple assorti et charmant qui faisait envie aux jeunes mariés. L'artiste en oublia même quelque peu ses pinceaux et ses toiles. À ceux qui l'en grondaient doucement, il répondait avec un sourire en montrant sa femme « Voilà mon tableau ». Nous ferons grâce à nos lecteurs d'une esquisse plus complète de cet amour conjugal, sur lequel nous laissons tomber, comme sur une peinture faite pour le demi-jour, l'ombre chaste qui lui convient. Il en fut malheureusement de cette constance de l'artiste comme de beaucoup d'autres choses rares. Elle se fana bien vite au souffle mortel de cette société italienne, si dissolue, qui effeuillait alentour tous les sentiments et toutes les roses. Lady Ruthwen, avec ce tact exquis qu'ont les femmes dans les choses du cœur, fut la première à s'apercevoir du refroidissement de son mari à son égard. Van Dyck s'absentait pendant de longues heures, prétextant le besoin de voir la mer et le soleil. Il faudrait un pinceau plus habile que le nôtre pour suivre les dégradations insensibles d'un amour qui s'efface. Mais ici tout le monde est juge et supplée aisément au récit par l'expérience, car presque tout le monde a aimé, et chose plus triste à dire, tout le monde a cessé d'aimer. La femme de Van Dyck suivait d'un regard mélancolique les nuances affaiblies et décroissantes de ce sentiment qui s'éteignait peu à peu dans le cœur de son mari, sans qu'il lui fût possible de le ranimer. Car il en est de l'amour comme de la vie, rien ne saurait le retenir quand a sonné sa dernière heure. Lady Ruthwen tomba dans une tristesse morne. Le monde, au lieu de la calmer en la rassurant sur la conduite de son mari, jeta au contraire l'inquiétude et le désordre dans son esprit alarmé. Il n'était bruit à ses oreilles que d'anciennes aventures de Van Dyck, racontées assez bas autour d'elle pour qu'elle ne pût s'en offenser et assez haut pour qu'elle les entendît. Les femmes surtout prenaient à enfoncer dans son amour blessé l'épine de la jalousie, un peu de ce plaisir barbare que trouvaient les femmes de Rome à piquer le sein de leurs esclaves avec des épingles d'or. Un jour qu'au sortir de la messe, Lady Ruthwen passait dans les rues de Gênes. Une vieille femme l'attira discrètement à l'angle du palais d'Orazzo derrière une colonne. La comtesse reconnut tout de suite à l'air mystérieux de cette inconnue une des sorcières, si nombreuses alors en Italie, qui faisait métier de prédire l'avenir. La jalousie rend les femmes superstitieuses. Lady Ruthwen abandonna sa main blanche aux mains sèches et ridées de la sorcière. « La signora veut que je lui dise sa bonne aventure ?» demanda la vieille. « Bonne ou mauvaise, je l'entendrai, » reprit la signora d'une voix tremblante. Alors la devineresse examina pendant quelques minutes et en silence. Les belles lignes onduleuses qui traversaient la main de cette femme, comme un antiquaire qui cherche à déchiffrer sur un vieux papyrus des caractères bizarres, puis, hochant la tête avec tristesse, « Vous avez une ribale, » dit-elle. La signora Van Dyck glissa une pièce d'or entre les doigts de cette vieille et s'éloigna. Bientôt Van Dyck fit, vers le soir, des sorties mystérieuses qui confirmèrent sa femme dans ses soupçons. Quand elle l'interrogeait sur ses absences fréquentes et presque régulières, l'artiste détournait légèrement la tête et donnait à ses excursions nocturnes par la ville mille prétextes incohérents et peu vraisemblables qui ne pouvaient satisfaire Lady Ruthwen. Elle attendit ce jour-là jusqu'à la brune. Le soleil lui parut d'une lenteur désespérante à se coucher. Elle lui donna plusieurs fois le bonsoir comme font les jeunes femmes à l'heure du hêne quand elles attendent des rendez-vous. Dès que les premières ombres du soir se furent étendues sur la ville et que Van Dyck eut descendu l'escalier, la comtesse passa la hâte une large mante de soie noire et jeta sur sa figure un voile chargé de broderies. Ainsi accoutrée, elle sortit sans aucune suite et guetta à l'angle d'une rue voisine le passage de l'artiste. Van Dyck, portant un large feutre rabattu sur les yeux, l'épée en sautoir, le manteau sur l'épaule, ne tarda point à passer à côté d'elle sans la voir. Il faisait peu de lune. Van Dyck marcha environ une demi-heure. La femme voilée le suivait de loin comme une ombre. Arrivé devant une jolie maison en marbre blanc, délicatement feuillée et festonnée à jour, l'artiste s'arrêta. Sa femme se plaça en observation derrière un pan de mur saillant. Elle vit l'artiste soulever le marteau en fer de la porte qui retomba avec un petit bruit et entrer. Lady Ruthwen s'approcha alors de cette maison. Son cœur battait horriblement. Immobile et pâle comme une statue, elle regardait. La maison était éteinte. On ne voyait aucun mouvement. On eût dit une demeure inhabitée, lorsqu'un valet passa devant les fenêtres, portant deux candélabres qui répandaient sur son chemin une vive lumière. La signora semblait aspirer cette lumière et suivre d'un œil avide la tremblante oscillation qu'elle jetait sur les vitres. Les flambeaux s'étant fixés, on put distinguer de la rue un salon délicieusement orné de tableaux et de dorures. Van Dyck, caressant avec la main sa moustache, passa devant la fenêtre. La comtesse le vit distinctement quitter son feutre et son manteau. Elle tremblait. Il avait froid à tous les membres. L'artiste, s'étant ainsi débarrassé de sa toilette de nuit, la signora vit s'avancer lentement, dans le salon et avec le sourire à la bouche, une femme. Van Dyck la salua. Puis, prenant une attitude galante et cavalière, il s'assit à côté d'elle sur un escabeau. Les regards du peintre erraient avec tendresse sur cette jeune beauté facile et complaisante qui semblait s'occuper entièrement de lui. Van Dyck se leva, ouvrit une boîte, sans doute pour offrir à sa maîtresse quelques présents, et se plaça devant elle en silence. Après quelques instants d'une cour muette et animée, dont Lady Ruthwen ne put suivre tous les détails, le peintre sembla mettre un genou en terre et passer délicatement la main sur les épaules nues de cette femme qui le contemplait avec amour. Ici, les yeux de Lady Ruthwen se brouillèrent, ses genoux fléchirent, et il tomba sans connaissance sur le pavé. Transportée chez elle, Lady Ruthwen fut prise d'une mauvaise fièvre qui lui dura quelques jours. Mais comme elle avait besoin de ses forces pour se venger, elle guérit. Tout son rêve était de surprendre son mari dans un second rendez-vous. La jeune Anglaise respira dans l'air enflammé de gêne cette soif de vendetta qui dévore les femmes italiennes, trahies par leurs amants. De ses petites mains délicates, elle aiguisa le poignard dont elle devait percer une joie cruelle le sein de sa rivale. L'occasion de satisfaire sa jalousie ne se fit pas longtemps attendre. Van Dyck étant sorti à la brune, elle le suivit comme la première fois seule et voilée. Seulement, Elle le perdit en chemin à cause du guet qui vint à passer et qu'elle évita en s'adossant aux devantures sculptées du palais Vicini. Elle n'en continua pas moins de marcher à travers les rues emmêlées de gênes. Une femme jalouse retrouve toujours le chemin de la maison où elle a suivi l'homme qu'elle aime. Quand elle arriva devant cette maison, les fenêtres éclairées jetaient une lumière de fête. Elle frappa un coup à la porte qui s'ouvrit. Un escalier se trouva devant elle. La signora le monta tout d'un trait. Il y avait dans ses mouvements quelque chose de sec et de mécanique qui touchait à la folie. Sur le palier se tenait de garde un vieux domestique qui l'arrêta. « Je demande, » lui dit-elle, les joues enflammées, la voix haletante, « je demande le seigneur Van Dyck. »« Signora, mon maître n'y est point. »« Je veux le voir tout de même, » insista la comtesse. Le serviteur parut surpris. « Je vous ai dit, milady, que le seigneur Van Dyck n'était point ici. »« Il y est, » reprit la comtesse d'une voix amère. « Je sais qu'il y est, avec une femme. » Lady Ruthwen était effrayante. Ses yeux jetaient de la flamme et ses petites dents blanches claquaient les unes contre les autres avec un grand bruit. Le domestique laissa enfreindre sa consigne. C'était un vieux soldat qui avait une tête aux pirates et aux Espagnols, mais qui battait en retraite devant une femme en colère. Lady Ruthwen entra. Au milieu d'une salle vivement éclairée aux bougies, ses yeux irrités et inquiets rencontrèrent tout d'abord sa rivale. Une blonde avec des cheveux filés de soleil, des yeux d'un bleu vif, adorablement amincis au coin, un front blanc et opaque, des joues marquées de fossettes comme des joues de reine, des bras demi-nus d'un contour sage et modéré que terminaient les plus charmantes mains de la terre. Seulement, cette femme si parfaite, d'une beauté à faire mourir de jalousie toutes les Italiennes de Gênes, cette femme était un tableau. La comtesse entra dans une joie mêlée de surprise. Ce tableau était son portrait. Il n'y avait aucun moyen d'en douter. Son nom était écrit au bas. À regarder attentivement les traits, on reconnaissait d'ailleurs une ressemblance, mais si lointaine et si embellie que Lady Ruthwen se trouvait réellement transformée sous le pinceau de l'artiste en une autre femme. Rien n'égale l'orgueil et l'ivresse qu'éprouva d'abord Lady Ruthwen à se voir ainsi transfigurée par son mari. « Il m'aime donc ? » s'écria-t-elle avec des pleurs de joie, « puisqu'il me fait si belle. » Si Van Dyck eût été là, elle lui eût baisé les mains. Son cœur n'eut point assez de larmes pour lui demander pardon de sa folle jalousie. Elle se trouvait plus qu'une reine depuis que l'artiste l'avait grandie à ses propres yeux en l'immortalisant. Quoique ce portrait fût fort avancé, il y manquait encore quelques coups de pinceau. Van Dyck venait tous les jours y travailler. Cette petite maison solitaire et inconnue lui offrait une retraite contre les importuns, ses amis parasites qui bourdonnent comme des moucherons autour de tous les artistes. Il s'y rendait souvent de nuit, suivant l'habitude qu'il avait prise dans les derniers temps de peindre lumière. Ce portrait réclamait d'ailleurs le mystère. L'artiste voulait l'offrir tout achevé à sa femme, de manière à exciter en même temps son admiration et sa surprise, autant par la beauté de la peinture que par la discrétion qu'il avait mise à l'exécuter. Cependant, Lady Ruthwen, égarée, hors d'elle-même, se cherchait en quelque sorte dans les objets qui l'entouraient, quand ses yeux rencontrèrent un miroir de Venise, fixé au mur, qui l'attira comme par enchantement. Elle se plaça devant la glace et se regarda. Dieu que le modèle était loin du portrait. Cette femme désolée sentit tomber une à une toutes les beautés imaginaires que l'artiste lui avait prêtées si libéralement. Elle se trouva laide et rougit. À cette joie fausse et soufflée par cette vanité naturelle qu'ont les femmes de se croire toujours mieux qu'elles ne sont, succéda un accablement muet et morne. Lady Ruthwen repoussa de la main comme un fantôme triste et malfaisant cette réalité envieuse qui venait la poursuivre au milieu de ses rêves et tomba toute troublée dans un fauteuil. Alors une pensée singulière, une pensée de délire passa rapidement devant ses yeux et acheva de déchirer le voile qui les couvrait. Elle se dit que ce portrait si beau n'était point le sien. Ce portrait devint à ses yeux une femme idéale que l'artiste aimait et qu'il représentait en elle. Une jalousie d'une espèce nouvelle la saisit. Ce fut un coup de foudre. Ce tableau, qui la regardait avec un inaltérable sourire, la courrouçait. Cette femme peinte avait bien le nom de Lady Ruthwen, écrit sur la toile. Et c'était elle, en vérité, que l'artiste avait voulu portraire. Mais à son insu, il en avait fait une autre. Dans sa fureur, elle regrettait de ne point avoir une femme réelle pour rivale. Une femme que l'on pût au moins insulter, fouler aux pieds, poignarder même. Car ici, son emportement allait se perdre contre une ombre. Si Lady Ruthwen avait eu pour Van Dyck une de ces affections banales qui courent le monde, elle eût su gré au peintre de l'avoir flatté. Mais son amour extrême et clairvoyant lui fit deviner tout d'abord le point délicat de cette beauté menteuse que Van Dyck avait fixée sur la toile. Elle s'en voulut mortellement de n'être point aussi belle, et elle devint jalouse de son image. Lady Ruthwen flottait dans ses pensées amères et vagues quand le pas de Van Dyck retentit. Le peintre entra cavalièrement. À la vue de sa femme, il recula et devint rouge comme un mari surpris chez sa maîtresse. Avec cette charmante cruauté dont les plus douces ne sont point exemptes, Lady Ruthwen garda quelque temps le silence pour jouir à son tour du trouble et de la confusion qu'éprouvait devant elle le seigneur Van Dyck. « Vous, ici ?» dit-il enfin d'une voix altérée. « Oui, seigneur peintre, je suis chez Maribel. »« Je ne vous comprends pas, madame. »« Vous me comprenez fort bien, Van Dyck. Voilà 2 mois que vous ne m'aimez plus. Vous en aimez une autre. Vous aimez cette femme ?» Le doigt de la comtesse désigna le portrait. Van Dyck pâlit et essaya de répondre. « Oh ! Reprit-elle, ne me dites pas que ce portrait est le mien. Ne mentez pas, Van Dyck, je sais tout. Ne cherchez point surtout à vous abuser vous-même. Ce portrait est une fiction. Ce portrait est mon idéal, c'est-à-dire l'être parfait dont je ne suis que l'ébauche. Si vous m'aimez ainsi, vous m'aimez pour tout ce que je ne suis pas. Ne vous étonnez donc plus de ma jalousie. Je ne la crois ni folle ni déplacée. Que m'importe à moi que vous alliez chercher vos maîtresses dans le ciel ou que vous les preniez sur la terre ? La femme dont vous avez fait le portrait sur cette toile est votre maîtresse, et cette femme n'est pas moi. Je me rends justice, mon ami. Oh, je vois bien que vous devez me trouver laide maintenant. » Van Dyck lui baisa la main avec respect. « Pour me juger supportable, vous êtes obligé de me voir dans votre âme d'artiste, comme dans ces anciens miroirs magiques qui embellissent la figure. Vous êtes forcé de me rêver autre que je ne suis. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez l'image que vous vous êtes faite à propos de moi. » « Si vous m'aimez encore un peu, reprit-elle, faites-moi un sacrifice. »« Lequel ? » demanda l'artiste. « Ne finissez point ce chef-d'œuvre. »« Votre portrait ? » interrogea Van Dyck. « Non, le portrait de cette femme ou de ce démon. » Elle désigna une seconde fois le tableau. « Vous autres peintres, » continua-t-elle d'une voix amère et mélancolique, « vous demandez la nature plus qu'elle ne peut donner. » Et dans votre délire, vous refaites péniblement l'œuvre de Dieu. Je vous plains, car vous souffrez plus encore que les autres hommes ne souffrent. » Van Dyck laissa échapper un soupir. Ne me refusez pas, Van Dyck, ajouta-t-elle. Votre amour-propre d'artiste en souffrira peut-être, mais votre bonheur y gagnera. Cette femme que vous aimez est froide et insensible, comme toutes les chimères. Moi, je ne suis point belle, mais je vous aime. Van Dyck hésita, puis, vaincu par les regards de la comtesse, il tira un poignard de sa ceinture et en perça la toile. Il retomba pâle et défait dans les bras de sa femme. C'était presque un assassinat qu'il venait de commettre. Lady Ruthwen, dans sa féroce jalousie d'amante, regardait avec joie le sein percé de sa rivale, comme s'il allait en sortir du sang. Van Dyck était sombre et désolé. Il venait de tuer sa chimère. Le peintre succomba peu d'années après à un mal mystérieux que les médecins désignent sous le nom de phthisie et qu'ils attribuent généralement aux souffrances de l'âme. Lady Ruthwen, qui l'eût survécu, passait parmi les femmes du monde pour avoir été fidèlement aimée de Van Dyck. Mais elle, qui connaissait mieux le cœur de l'artiste, ne pensait pas là-dessus comme les autres femmes. Ainsi s'achève une rivale d'Alphonse Esquiros.